Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Les Bleuets Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Ce sont la finale des Jeux du Québec qui se déroule actuellement à Thetford Mines et on a notre collaboratrice qui va être là avec nous pendant toute la semaine, Véronique Frigon, qui est de Dolbeau, Mistassini, une personne que ça fait... C'est vraiment le fun de un petit peu la retrouver. Salut Véronique! Salut! Salut Véronique, effectivement, ça fait un bout par exemple que t'es partie de Dolbeau, Mistassini, là. Oui, ça fait quelques années, mais n'empêche qu'étant impliquée régionalement, je demeure toujours fidèle à mes origines et j'y reviens une fois de temps en temps pour le travail ou dans ma vie personnelle. Alors, ça me fait très plaisir de te retrouver, cher Dani. Hey, mais Véronique, il faut dire aussi que tu as quand même de la parenté. Ton père Michel et Claudine restent encore ici. Donc c'est ça qui fait en sorte que tu vas venir. Véronique, ça a plus ou moins bien commencé. Donc, comment ça... est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux à Thetford Mines? Parce que deux médailles à date, c'est pas ce qu'on avait anticipé du côté de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben en fait, pour comprendre d'abord que le pendant la période des Jeux du Québec, ça se scinde en deux blocs. Donc, on est dans le bloc 1, il y aura transition vers le bloc 2 à partir de mercredi. Ce qui fait que présentement, on est dans les disciplines de volleyball, de baseball, de tir à l'arc, d'athlétisme, de vélo de montagne. Ce qui fait que le reste des activités va se poursuivre dans le courant de la semaine. Donc, effectivement, il y a des espoirs de médailles qui vont survenir également dans le bloc 2. Ça a commencé en douceur. Je dirais pas que ça va mal, par contre. En fait, ça a commencé en douceur par rapport au fait que le nombre d'athlètes versus les disciplines. Il y a eu quand même, des objectifs personnels qui ont été dépassés. Fait qu'à travers ça, oui, il y a des médailles, mais il faut comprendre qu'on a 174 jeunes qui font partie de la délégation et que chacun d'eux, à leur façon, lorsque vient le temps de compétitionner, on s'entend, hein, c'est souvent des secondes, des microsecondes, oui. Des pointages qui, dépendamment de toutes sortes de facteurs, qui font en sorte que c'est une victoire ou c'est une défaite. Mais au-delà de ça, du fait qu'ils se retrouvent à la finale provinciale, c'est déjà une victoire en soi. Et c'est ce qu'on essaie de passer comme message. Donc, pour la fin de semaine, pour y revenir dans le fond, c'est qu'on a eu deux médailles durant le week-end qui a été en vélo de montagne. Ouais. Marie-Philippe Bolduc, donc, de Chicoutimi, qui a remporté la médaille de bronze au contre-la-montre samedi et la médaille d'argent au cross-country dimanche. Okay. Et c'est ainsi que ça a débuté. Par contre, aujourd'hui, tu vois, là, présentement, en athlétisme, il y a Élodie Roussel en javelot qui a remporté une médaille de bronze. Et également... Il y a notre amie Caroline Dufour à la marche, au 3000 mètres marche, qui a remporté la médaille d'argent. Okay. Également, Marc-Antoine Tremblay, qui, lui, a remporté la médaille d'argent au cross-country en vélo de montagne. Et là, on est présentement dans les compétitions de tir à l'arc. Il y a des espoirs aussi qui se fondent dans cette discipline. Alors, ça se poursuit, hein, comme on dit, là, il y a sur notre page Facebook l'alerte aux médailles. Alors, j'invite les gens à nous suivre sur notre page Regroupement Loisirs Espace Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir les détails en direct. OK. Véronique, je voyais aussi, donc, il y a aussi le sauvetage sportif qui fait un retour, hein. Puis ça, on a déjà été très bon là-dedans, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben avec le club Narval, tu sais, David Comeau a fondé ce club-là il y a quelques années, étant lui-même un adepte du sport. Et on se démarque même sur la scène internationale. Présentement, il y a une délégation qui se prépare pour les mondiaux, les championnats mondiaux qui auront lieu à l'automne. Alors, c'est certain que ça fait des petits, hein, cette implication-là qui regroupe un bon nombre d'athlètes désormais, mais aussi un bon nombre de parents puis de bénévoles qui sont derrière cette discipline-là, qui est très particulière. Ouais, c'est pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux me parler du sauvetage sportif, l'expliquer brièvement? Ben, je vais t'en parler brièvement parce que c'est pas nécessairement une discipline que je connais de long en large, mais pour avoir côtoyé David et le club, je peux te dire que c'est vraiment tous les aspects de la discipline qui vont amener à effectivement effectuer des sauvetages en eau libre ou en piscine. Donc, ça prépare à la fois des futurs sauveteurs, des jeunes qui pourront travailler dans les municipalités, sur les plages l'été, etc., parce qu'on sait que c'est une pénurie de main-d'œuvre qui est transversale un peu partout dans le Québec. Mais également, c'est une discipline qui est extrêmement exigeante quand on pense notamment à devoir sortir quelqu'un du pétrin en eau libre qui est en train de vivre une noyade, on peut s'imaginer un peu ce que ça demande comme technique et comme effort. Alors, ils le font ça lorsqu'ils font leurs entraînements avec des mannequins et des équipements spécialisés. Alors, c'est beau à voir. C'est vraiment très, très, très particulier. OK. OK. Donc, on va suivre ça. Donc, là, il est 15h30 au moment où on enregistre le podcast. Qu'est-ce qu'il faut surveiller d'ici la fin de la journée et demain? D'ici la fin de la journée, comme je mentionnais, tir à l'arc. Effectivement, c'est en train de se poursuivre. Il y a également au niveau du vélo de montagne et également au niveau de l'athlétisme plusieurs disciplines qui battent leur plein présentement en termes de la course et toute autre discipline connexe de l'athlétisme. Demain, c'est une journée qui est pivot, donc il y aura moins de compétition parce que c'est la fin du bloc 1. Et également le début donc du bloc 2. Alors, on parle d'athlétisme, toujours baseball, qui va être en action, le triathlon et le vélo de montagne. Et c'est ainsi qu'on va terminer le bloc 1. Alors, à surveiller demain, bien évidemment, hein, tout ce qui est vélo de montagne, beaucoup d'athlètes qui performent de ce côté-là. Même chose au niveau du baseball, les mêmes choses au niveau du triathlon. Okay. Voilà. Véronique, on s'en reparle demain? Absolument, ça va me faire grand plaisir. Véronique Frigon, notre collaboratrice pendant toute la semaine au Jeux du Québec.